Opening ceremony, as I told you, it is a bit of a retreat, but together with the Sutta study, Abhidhamma, it is ultimate truth, use true nature like a four paramita, Jada, Jitasika, Rupa, Nibbana, the mind, mental fetters, Metta, ends, Nirvana, etc., like that, true nature, like a science also, science. Sutta, it is a use, conventional truth, It is also, as I told you in the morning, it is a technique, practical way. Nous avons expliqué ce matin que cette retraite, c'est une retraite dont, où il sera non question de l'Abhidhamma, mais également des suttas. Le matin, nous étudierons l'Abhidhamma, l'après-midi, les suttas. L'Abhidhamma, c'est le côté scientifique. Dans l'Abhidhamma, on utilise un langage conforme à la réalité ultime. On parle de conscience, citta, de propriété mentale, cetasika, de matière, rupa, et de nibbana. C'est donc un langage scientifique, un langage de l'Abhidhamma. Par contre, dans les suttas, on utilise un langage conventionnel. On s'appuie sur la réalité conventionnelle. On ne parle donc plus en termes de réalité ultime, on parle en termes de réalité conventionnelle. Il y a bien, bel et bien des êtres, il y a le Bouddha, il y a les disciples du Bouddha, il y a quelqu'un qui progresse dans sa pratique. Cela, ce sont des concepts, c'est donc la réalité conventionnelle. Que l'enseignement du Bouddha soit accessible à tous. Okay, Louis, please read the translation. Anapanasati, read the translation. Elle amènera le succès dans Okay. la pratique des quatre établissements de l'attention. Si la méthode des quatre établissements de l'attention est développée et pratiquée régulièrement, elle amènera à la réussite dans la pratique des sept facteurs d'éveil. Les sept facteurs d'éveil, s'ils sont développés et pratiqués régulièrement, feront naître la compréhension et engendreront la libération de l'esprit. Nous allons étudier le sermon sur l'attention au va-et-vient du souffle, Anapanasati Sutta. Ce sermon est très important. Le Bouddha lui-même considère qu'il s'y trouve un enseignement très profond. Ce matin, nous avons vu les sept visuddhis. Cet après-midi, nous allons voir en fait la même chose, mais d'un point de vue pratique. Si nous pratiquons Anapanasati, attention au va-et-vient du souffle, cela va nous amener de très grands bénéfices. Commencer par l'établissement en nous des quatre satipatthanas, l'établissement de l'attention. Si nous pratiquons les quatre établissements de l'attention, les sept facteurs d'illumination seront également introduits. Si nous pratiquons et développons les sept facteurs d'illumination, la libération va apparaître. Nous aurons la connaissance, vidya, et nous serons libérés. Nous expérimenterons nibbana, c'est l'illumination. En bref, la pratique de Anapanasati amène de très grands bénéfices, à savoir la libération. Louis, please read paragraphe 144. Ainsi ai-je entendu, en ces temps-là, le Bouddha était encore à Sawati et il demeurait dans le parc de l'Est avec ses principaux disciples comme Sariputta, Mahamoggallana, Mahakassapa, Mahakasapa Kachayana, Maha Kotita, Maha Kapina, Maha Chunda, Anuruddha, Anuruddha, ok. Rewana et Ananda. Dans la communauté, les bhikkhus plus anciens s'occupaient d'enseigner aux plus jeunes, certains à une dizaine d'entre eux, d'autres à une vingtaine, ou encore d'autres à une trentaine ou une quarantaine. Les jeunes bhikkhus faisaient ainsi beaucoup de progrès. Donc, dans ce premier paragraphe, il est question du monastère où se trouvait le Bouddha au moment où il a prononcé ce sutta sur l'attention à la respiration. Il se trouvait à Savatthi, dans le parc de l'Est. Et ce parc de l'Est était soutenu par la mère de Migara. Ceci vaut la peine d'être mentionné parce que la plupart des sermons dont il est question dans les Écritures ont été prononcés par le Bouddha alors qu'il séjournait à Savatthi dans le monastère d'Anathapindika. Ici, donc, c'est le monastère de l'Est qui était soutenu, offert par la mère de Migara. Et qui était la mère de Migara? C'était Visakha. Cette Visakha a une histoire assez importante. Elle avait épousé un qui n'était pas bouddhiste. Et donc, cet homme qui n'était pas bouddhiste adhérait à toutes sortes de croyances et invitait régulièrement les adeptes de croyances. Un jour, Visakha décida de demander à son beau-père l'autorisation d'inviter le Bouddha. Le beau-père accepta. Et donc, le Bouddha se rendit chez Visakha. Après le repas, le Bouddha demanda à Visakha « Où est ton beau-père ?» Visakha lui répondit « C'est un mangeur de vieille viande. » Visakha avait dit au Bouddha que son beau-père était un mangeur de vieille viande. Autrement dit, elle voulait signifier que son père mangeait des aliments qui était destiné à être expulsé du corps dès après le repas. L'idée, c'est qu'elle mangeait quelque chose qui allait être perdu très vite après l'avoir avalé. Son beau-père se fâcha, accusant sa belle-fille de quelque chose qui n'était pas très élogieux pour lui. Visakha lui expliqua qu'il fallait voir les choses différemment. Il vivait très confortablement. Et ce confort qu'il expérimentait dans cette vie-ci était dû à des actions passées très méritoires. Il avait pratiqué toutes sortes d'actions positives dans le passé, dans ses vies antérieures, et en conséquence, il expérimentait toutes sortes de choses agréables dans cette vie-ci. Mais il s'en tenait simplement au fait de manger et d'avoir des richesses. Visakha lui expliqua que s'il voulait assurer son futur, ses existences futures, il allait devoir pratiquer des bonnes actions dans cette ville même. Et donc, il devait se décider à pratiquer dana la générosité, sila la moralité et bhavana la méditation. Autrement dit, il devait se décider à planter de bonnes graines pour que dans ses vies futures, il puisse en recueillir les bénéfices. C'est tout simplement la loi de cause et d'effet, la loi du karma et de ses effets. Si on plante de bonnes graines, on aura de bons résultats, de bons fruits. Et donc, son beau-père fut ravi de cette explication et adhéra complètement à ce que lui avait recommandé sa belle-fille. En fait, on dit ici dans le texte que le monastère était soutenu par la mère de Migara, mais en réalité, c'était sa belle-fille. Le paragraphe se poursuit en expliquant donc que le Bouddha se trouvait là avec ses grands disciples. C'est un peu comme Jésus qui voyageait toujours accompagné de ses disciples. Et donc, dans le texte, il est question des moines anciens qui enseignaient aux plus jeunes. Il faut savoir que du temps du Bouddha, il n'y avait pas de papier et donc tout se transmettait oralement. Les moines anciens apprenaient donc aux plus jeunes. C'était le système éducatif monastique de l'époque et encore toujours actuellement. On associe l'étude et la pratique dans le but d'atteindre la libération. C'est la façon bouddhiste de procéder. Ok, and us too, Mother, yeah? Yes. Mother, any question? Hello, Guruji, please, 145, read that one. Yes, Bhante. Now, on that occasion, the Uposatha day of the 15th, the full moon night of the Pavarana ceremony, the Blessed One was seated in the open air, surrounded by the community of monks. Surveying the silent community of monks, he addressed them. Monks, I am content with this practice. I am content at heart with this practice. So arouse even more intense persistence for the attaining of the as yet unattained, the reaching of the as yet unreached, the realization of the as yet unrealized. I will remain right here at Sawati for another month, thought the white water lily month, the fourth month of the rains. The monks in the countryside heard. The Blessed One, they say, will remain right there at Sawati, thought the white water lily month, the fourth month of the rains. So they left for Sawati. Terme pali, Uposatha veut dire jour d'observance. C'est le jour d'observance qui diffère d'une tradition à l'autre. Le 15e, c'est en fait la nuit de la pleine lune de la saison des pluies. La pleine lune. Pavarana veut dire invitation. Il faut savoir que dans les pays bouddhistes, pendant les mois de la saison des pluies, c'est-à-dire de la mi-juillet à la mi-octobre, les moines ne sont pas autorisés à quitter leur monastère. Ils doivent rester sur place pendant toute cette période qu'on appelle la saison des pluies pour pratiquer la méditation et étudier les écritures. Ils se rassemblent donc au monastère par groupe de 5, 10, même parfois beaucoup plus, 1 000, 2 000 moines pour pratiquer et étudier. Ils se rassemblent donc dans ce que l'on appelle le hall d'ordination. Un hall d'ordination n'est pas uniquement réservé à l'ordination des moines, c'est un endroit où se tiennent toutes les activités de la Sangha. Et donc, ici, dans ce contexte, cette cérémonie du Pavarana se tenait à la pleine lune. Et donc, au cours de cette cérémonie du Pavarana, les moines vont se confesser mutuellement. Ils auront vécu donc pendant 3 mois ensemble et bien sûr, il y aurait eu des manquements directement ou indirectement. Donc, les moines demandent à un autre moine de pouvoir se confesser. Ils lui demandent s'il a remarqué quelque chose qui était incorrect chez lui dans son comportement ou s'il a entendu dire quelque chose à ce sujet. Et l'autre moine va lui dire les erreurs qu'il aurait pu commettre, et le moine va donc se confesser. Donc, au cours de cette cérémonie, les moines se confessent mutuellement. Le Bouddha, ici, se trouvait face à peu près 400 moines, et qu'il leur dit globalement qu'il était très satisfait des résultats qu'ils avaient obtenus, mais il a ajouté qu'il devait malgré tout continuer à lutter, continuer à pratiquer, pour atteindre ce qu'il n'avait pas encore atteint, pour réaliser ce qu'il n'avait pas réalisé. Et pour les encourager, il leur annonça qu'il allait prolonger son séjour et rester un mois de plus. Donc, il resterait à Savatthi jusqu'au quatrième mois de la retraite, ce qui voulait dire un mois de plus. Le Bouddha leur annonça qu'il allait prolonger son séjour d'un mois. Il resterait jusqu'à la pleine lune du mois du lotus blanc. Et donc, les moines qui s'étaient rendus ailleurs pour renseigner, entendant que le Bouddha prolongeait son séjour à Savatthi, revinrent sur place pour bénéficier de la présence du Bouddha, et ceux qui enseignaient aux jeunes redoublèrent d'efforts pour enseigner, et en conséquence, les jeunes progressèrent rapidement. I think it is a good night for today, man. Okay, Olo Yogi. Thank you very much. You may get like this monk. You may get a higher progress advice. Okay, thank you.